الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد بفضل الله سبحانه وتعالى لقد انتهينا من قصة آدم عليه السلام ثم نوح عليه السلام وهود واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن نبي الله صالح ورسوله عليه الصلاة والسلام وقومه هو ثمود عاد الثانية. Aujourd'hui, nous allons parler du prophète et messager Salih, alayhi salam, qui a pour peuple Thamoud et qui est venu après le peuple de Ad. Ad, Iram, c'est Ad al-Oula. Et Thamoud, on les surnomme Ad al-Thaniyah. Yaskunun al-Hijr wa ma hawlaha. وكانوا أهل مواش كثيرة وكانوا أهل زراعة. Le peuple de Thamoud était des cultivateurs et des agriculteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala les avait comblés de nombreux bienfaits. Ils avaient beaucoup de richesses, de terres. Allah subhanahu wa ta'ala leur avait permis de travailler la terre et sculptaient et se faisaient de nombreuses demeures. Dans les montagnes, ils construisaient des maisons, et ils travaillaient la pierre. Et il fut dit que le nom de Thamoud est pris du mot « al-thamd » wa huwa al-ma'ul qalil. Ça veut dire un petit peu d'eau. La tribu de Thamoud a été citée dans le Coran 24 fois. Et on les cite également dans le Coran avec une autre appellation, c'est Ashabul Hijr. Quand vous entendez Ashabul Hijr, il s'agit de la tribu de Thamoud. Et il y a une sourate qui se nomme ainsi. Kanu Ashidda Akuya. Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme il avait donné à la tribu de Ad, il a donné à la tribu de Thamoud une grande force. Ils étaient forts, si ce n'est qu'ils ont rejeté la reconnaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala méritait devant ses nombreux bienfaits et ont donné des égaux à Allah tabaraka wa ta'ala dans le culte. Badalan an yashkuru ni'am Allah subhanahu wa ta'ala bil qiyam bi tawhidihi wa bi ibadatihi wa shukrihi. كفروا نعمة الله سبحانه وتعالى وصرفوا العبادة لغيره. Au lieu de se montrer reconnaissant devant les nombreux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordés, ils ont mécru en lui, se sont détournés de sa reconnaissance et ont adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم أخاهم صالحا. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un prophète issu de leur tribu qu'ils connaissent. Ils connaissent ses qualités, ils connaissent sa famille du nom de Salih, le meilleur d'entre eux. Fada'ahum ila Allah subhanahu wa ta'ala wa ila tawhidih wa ila ikhlasi d-din lah fa'a'radu anhum wa qalu إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى مِلَّةٍ وَتَمَسَّكُوا بِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْآبَاءُ كَعَادَةِ الْمُشْرِكِينَ. Lorsque Salih alayhi salam est venu les voir et leur a dit: délaissez l'adoration des idoles, délaissez le chemin des ancêtres et revenez à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère, ils se sont détournés de son message et ont dit: nous allons rester sur la voie de nos pères. Fa da'watul anbiya wahida. قال الله سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الله سبحانه وتعالى موسيد كلا أنفويا ثمود لخير صالح أو من peuple adore Allah vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui فدعوة الأنبياء واحدة وأصل الملة واحدة وأساس الدين واحد وهو توحيد الله رب العالمين على هذا أسست الدعوة على هذا أسست الدعوة قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت voici le prêche de l'ensemble des prophètes et messagers la ilaha illallah c'est sur cela que la voie a été fondée Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez que Allah et éloignez-vous de ce qui est adoré de ce qui est adoré en dehors de lui فَأَقَامَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ هُوَ الْمَعْبُودُ الْحَقِّ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَمْ يَقْبَلُوا وَاسْتَكْبَرُوا قَالَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ أي فريق المؤمنين ضد فريق الكافرين وكالعادة أتباع الرسل الأول والأكثر هم الضعفاء والفقراء الله سبحانه وتعالى dans une autre sourate dans sourate An-Naml nous montre le prêche de Salih qu'il est venu les appeler à l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le culte Puis Allah nous dit, ils se sont divisés en deux groupes. C'est-à-dire le parti des croyants, ceux qui ont cru en l'unicité d'Allah, ont suivi Salih. Ceux-là sont les bienheureux, ceux qui seront sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième groupe, le parti des mécréants, ceux qui ont rejeté les paroles de Salih, l'unicité d'Allah azza wa jal, et ont refusé de le suivre. Et la plupart du temps, les premiers suiveurs et les plus nombreux des prophètes sont les pauvres et les faibles comme dans Qissatu Hiraql dans l'histoire de Hiraql avec Abu Sufyan lorsqu'il a demandé qui sont ses suiveurs ils ont répondu les faibles et les pauvres à la fin Hiraql a dit c'est toujours ainsi pourquoi les pauvres et les faibles car ils ont l'habitude de recevoir des ordres car ils ont moins d'orgueil que celui qui dirige les gens qui a du pouvoir et qui a des richesses. C'est pour cela que la plupart des suiveurs, des prophètes et les premiers sont en général les pauvres et les faibles. Celui qui a eu l'habitude de commander toute sa vie, lorsque tu lui ordonnes de se soumettre, c'est difficile pour lui. Mais celui qui a eu l'habitude de recevoir des ordres, il a reçu ses ordres des créatures d'Allah Azza wa Jal. Alors lorsqu'on lui donne un ordre et qu'on lui dit que ça vient de son Seigneur et du Créateur, cela sans aucun doute est bien plus facile. Contrairement à la personne qui n'a pas eu à recevoir d'ordre durant les années passées. Puis Salih leur a rappelé qu'Allah Azza wa Jal était leur seul Créateur, donc celui qui mérite l'adoration. Et ça, c'est un uslub qu'on trouve dans le Coran, dans de nombreux versets. Allah Azza wa Jal nous dit par exemple « Alhamdulillahi Rabbil Alameen » pour nous dire plus loin « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » Il nous dit également dans le Coran, et c'est le premier ordre « Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qabrikum, la'allakum tattaqun » Allah Azza wa Jal utilise pour réfuter les mécréants et les associateurs, les polythéistes, le fait qu'il soit le seul créateur Donc, le seul à mériter entièrement l'adoration. Celui qui a tout créé est celui qui mérite d'être adoré. Alors, Salih a dit à son peuple, « Huwa ansha'akum min al-ardi wa sta'amarakum fiha, et dhakkarahum bi tawhid al-rububiyyah, li anna fi dhalik dalilun ala wahdaniyati Allahi fi al-uluhiyya, fa inna tawhid Allahi fi al-rububiyyah yastalzim tawhidah, في الألوهية ثم رغبهم فيما عند الله سبحانه وتعالى من المغفرة والأجور العظيمة فقال فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. صالح a rappelé donc a donc rappelé à son peuple que c'est Allah Azza wa Jal qui les a créés de la terre et leur a permis d'y habiter. Puis il les a encouragés à revenir vers Allah Azza wa Jal, car s'ils font cela, ils trouveront tout le bien auprès de lui. Il les a encouragés au repentir. Il les a encouragés à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala en leur disant qu'il est proche et qu'il répond à l'appel. Donc le fait de citer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs, est un des grands points dans la da'wah des prophètes et des messagers. Car celui qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala, sa générosité et sa miséricorde, voudra revenir vers lui afin d'obtenir ses bienfaits. Subhanahu wa ta'ala wa akramul akramin al-jawad al-rahim jalla wa az. Quelle fut la réponse du peuple de Salih à l'image de leurs ancêtres, le peuple de Ad et le peuple de Nuh? Ya Salih, qad kunta marjouan qabla hada. Auparavant, ils pensaient du bien de Salih, alayhi salam, ils disaient du bien de lui. Tout comme cela fut le cas pour Nuh, Hud et le dernier prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les meilleurs de leur peuple. Allah Azza wa Jal ne choisit que les meilleurs de leur peuple pour les envoyer. Ici, ils ont dit, oh Salih, on espérait beaucoup de bien de toi. قبل هذا أي قبل هذه الدعوة إلى توحيد الله بالعبادة. On espérait du bien de toi avant cela, c'est-à-dire avant que tu nous appelles à adorer Allah uniquement d'un culte sincère. Avant cela, tu étais quelqu'un de bien. On espérait beaucoup de bien de toi. Et cette parole est une parole qu'on entend souvent et qui se répète. Lorsque la personne est dans l'égarement total, dans l'égarement évident, personne ne lui fait des reproches. Il est bien vu de la communauté, dans sa communauté. Celui qui, par exemple, est dans le polythéisme, il est bien vu dans la société. Celui qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal, celui qui fait des bêtises, désobéit à ses parents, la femme qui ne met pas le hijab, l'homme qui boit de l'alcool et fume, il n'y a pas de problème dans cela. Lorsqu'il décide de revenir vers Allah Azza wa Jal, de délaisser tous les caractères pervers, et de revenir à la droiture, alors on commence à le montrer du doigt. Lorsqu'il décide de laisser pousser sa barbe, on le montre du doigt. Lorsqu'il décide de préserver ses prières à la mosquée, on le montre du doigt. Et on dit qu'il est extrémiste et toutes les mauvaises paroles. Cela n'est pas nouveau. C'est ce qu'ont fait le peuple de Salih alayhi salam avec leurs prophètes et messagers. Et parmi les choses les plus étonnantes que nous voyons, yani concernant Mahdha, les hommes ayant délaissé la salade de nombreuses années, lorsqu'ils décident de se repentir, de revenir à la mosquée, tu vois au sein même de leur propre famille des obstacles et leur dire « La religion que vous mettez en pratique, elle est trop dure. Pourquoi est-ce que tu mets ce vêtement? Et pourquoi est-ce que tu laisses pousser ta barbe? Et pourquoi est-ce que tu vas toujours à la mosquée? Et pourquoi est-ce que tu étudies? Et pourquoi? Et pourquoi? » Wallahi ajib. Ici, c'est un peuple mécréant qui s'exprime. Mais lorsque tu vois dans une famille musulmane que les ennemis du musulman sont sa propre famille, il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi? Car ils ont vécu au sein d'une société qui n'a pas accordé un mazah de valeur à la religion et à la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne lorsqu'elle est malade, la personne lorsqu'elle est morte, elle ne sent pas la douleur de la maladie. La personne lorsqu'elle son cœur est mort, tayyib, elle ne ressent plus les douleurs. Tayyib, c'est quelqu'un qui est décédé. Tu viens pour lui couper un membre, il n'aura pas mal. Ben c'est la même chose pour ceux dont le cœur est mort. Ils ne voient plus les péchés comme étant un mal. Alors que celui qui a le cœur vivant, lorsqu'il voit Allah et lorsqu'il voit la désobéissance d'Allah Azza wa Jal sur la terre, cela lui cause de nombreuses douleurs. Et une histoire qui s'est passée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez tous qu'auparavant, il le surnommait Al-Amin. hein, Al-Amin, celui qui est digne de confiance, le probe. Après cela, comment est-ce qu'ils l'ont appelé? Kazzab, Sahir, Majnoun. Ils l'ont insulté. Alors que depuis tout petit, il a été connu pour sa grande droiture, ses nobles caractères. Lorsque un bout de la pierre noire est tombé, qui est-ce qui a été choisi pour replacer la pierre noire et de qui on a accepté le jugement? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme qui s'appelle Abdullah ibn Rawaha, ou Abdullah ibn Salam, pardon, c'était un juif qui avait énormément de science, quelqu'un de très pieux. Et ils ont dans leur livre la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, Abdullah ibn Salam est parti le trouver. Il l'a rencontré. Il avait sa description dans son livre, dans la Torah. Il lui a dit, je vais te poser trois questions. Seul un prophète est capable de répondre à ces questions. Je vais te poser trois questions. Seul un prophète est capable de répondre à ces trois questions. Vous allez me chercher les trois questions pour la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Vous voyez ? Qu'est-ce qui a la réponse ? Il lui a posé trois questions en lui disant, seul un prophète est capable de répondre à ces trois questions. Puis, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu aux trois questions. Alors, Abdullah ibn Salam s'est converti à l'islam. Il s'est converti à l'islam. Qu'est-ce qui a les trois questions ? Celui qui trouve les trois questions, je lui offrirai un livre. Pardon. طيب بما الشبه نعم بما يكون الشبه طيب j'ai pas bien compris. طيب et le troisième, tu te rappelles pas? D'accord. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est quand les Juifs de Médine et les Arabes de Médine se sont réunis pour mettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'embarras et qu'ils lui ont dit questionner le sur trois choses. S'il répond à tout, c'est un menteur. Et s'il répond à rien, il n'est pas véridique. S'il répond à une partie et dit je ne sais pas pour une partie, il sera véridique. Et c'est dans cette histoire-là qu'ils l'ont questionné sur Ar-Ruh, sur Dhul Qarnayn et d'autres. Et Allah Azza wa Jalla a répondu à tout ça en Sourate Al-Kahf. Wallahu A'lam. Donc, je vais vous citer la première chose et vous cherchez les deux autres. La première question, hein, quelle est la première chose, hein, que vous mangez les gens lorsqu'ils vont entrer fil Jannah? Quelle est la première chose que vont manger les gens lorsqu'ils vont entrer fil Jannah? Qui a cette réponse? Hein? Al-Kabid, le foie. Taïb, ils vont manger du foie. Taïb. Il a ajouté deux questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à tout cela et il s'est converti. Taïb. Après cela, Abdullah ibn Salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller trouver son peuple, hein, et de les questionner sur lui. Va les voir et demande-leur, que dites-vous de Abdullah ibn Salam? Parce que s'ils apprennent que je me suis converti, peut-être qu'ils changeront d'avis sur moi. Mais va les trouver et demande-leur ce qu'ils pensent de moi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux Yahoud, que dites-vous de Abdullah ibn Salam? Ils ont dit, khayruna wa ibn khayrina. Ils ont dit, Abdullah ibn Salam, c'est le meilleur d'entre nous. Et le fils du meilleur d'entre nous. Celui qui a le plus de qualités. Le fils de celui qui avait les meilleures qualités. D'accord? Fa'a'ad alayhim fa'a'ad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a reposé la question. Que dites-vous de Abdullah ibn Salam? Ils ont dit, le meilleur d'entre nous, le fils du meilleur d'entre nous. D'accord? Ensuite, Abdullah ibn Salam est sorti. Il était caché. Il est sorti et il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah » Ils ont dit, non d'abord, j'ai oublié un passage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé ensuite, Ara'aytu min aslam, que dit, yani, imaginez qu'ils se convertissent à l'islam. Ils ont dit, A'adahullah min dhalik, qu'Allah le protège de cela. Hein? Qu'Allah le protège de cela. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a reposé la question. Que dites-vous de Abdullah ibn Salam? Ils ont dit que du bien. Abdullah ibn Salam est sorti de sa cachette et a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » Ils ont dit « Sharruna wa ibn Sharrina » Abdullah ibn Salam, c'est le pire d'entre nous et le fils du pire d'entre nous. Hein? Alors qu'auparavant, il disait quoi de lui ?« Khayruna wa ibn Khayrina » Il disait quoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam ?« Al-Amin » Al-Sadiq al-Amin » Dès qu'Abdullah ibn Salam est rentré dans l'islam, ils ont dit, yani, du mal de lui. Et bien, ils ont fait la même chose pour Saleh, alayhi salam. Qad kunta fina marjoua. On pensait du bien de toi, on espérait beaucoup de bien de toi. Comment est-ce que tu as pu venir avec le tawhid? Comment est-ce que tu nous dis de délaisser l'adoration d'autres qu'Allah et tu veux qu'on adore qu'Allah uniquement? Yani, chez eux, ça, c'est la pire chose. Hein, parce que pour les mouchriks, ces fausses divinités ont énormément d'importance. Voyez. Hada huwa al-mushrikun zalama. Les associateurs sont des injustes. Voyez, sont des injustes. Ils disent du bien de la personne, lorsque la personne entre dans l'islam, ils disent du mal d'elle. Voyez. Puis ils ont dit à Saleh, "Atanhana an na'buda ma kana ya'budu aba'una?" Est-ce que tu vas nous interdire? Atanhana an na'buda ma ya'budu aba'una? Vas-tu nous interdire d'adorer ce que nos parents adoraient, ce que nos ancêtres adoraient? Wa innana la fi shakki mimma tad'una ilayhi murib. De cette phrase, on tire le sens de la ilaha illallah. Lorsque Saleh est venu et leur a dit, délaissez l'adoration de vos ancêtres. Adorez que Allah uniquement sans rien lui associer. Lorsqu'il leur a dit, dites la ilaha illallah, ils ont compris qu'il fallait délaisser l'adoration de tout autre que Allah. C'est pour ça qu'ils ont répondu, est-ce que tu nous adores d'adorer ce qu'adoraient nos parents? Parce que leurs parents, c'était des mouchrikoun, des polythéistes. Et ils lui ont dit, on a des doutes sur ce que tu prétends. Donc ils n'ont pas cru en lui. Ils ont donc répondu avec l'ambiguïté des polythéistes. La même chose que le peuple de Nuh, et la même chose que Pharaon a dit à Moussa, la même chose que Kufar Quraysh a répondu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, Pharaon a dit quoi à Moussa? Fama balu al-qurun il-oula. Taïb, que dire alors des anciens? Yani toi Moussa alayhi salam, tu viens et tu nous dis de délaisser l'adoration de Pharaon et des autres. Mais que dire du culte de nos parents? Alors, ça veut dire qu'eux tous aussi étaient dans l'égarement. Et c'est exactement ce que tu entends au jour d'aujourd'hui. Tu dis à la personne, fais comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Il dit, oui, mais nous au pays, nos parents ne faisaient pas comme ça. Ajib, on te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et tu dis, mes parents ne faisaient pas comme ça. Mais qui est-ce qui t'a été envoyé en tant que prophète et messager? Taïb, Kuffar Quraysh ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anta khair am Abdul Muttalib. Est-ce que c'est toi qui es le meilleur ou bien Abdul Muttalib? Et Abdul Muttalib, c'était quelqu'un qui avait la plus grande noblesse dans son peuple. Ça, c'est un piège. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit moi, ils vont dire aux gens, regardez, il se pense mieux que Abdul Muttalib. Et s'il dit Abdul Muttalib, ils vont dire c'était un mouchrik. Alors nous sommes sur la bonne voie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu à cette question. Parce que dans les deux cas, hein, ils vont trouver quelque chose contre lui. Dans les deux cas, ils vont trouver quelque chose contre lui. Pharaon a répondu ainsi. Taïeb. Et le peuple de Nuh, ou bien le peuple de Quraysh, a répondu Ma sami'na bihadha fil millatil akhira. Taïeb. Ils ont tous répondu avec une seule et même parole. Nos ancêtres n'étaient pas sur cela. Est-ce que tu es venu avec quelque chose de nouveau? Et ils disent la même chose aux gens de la Sunna au jour d'aujourd'hui. Lorsque tu dis aux gens, par exemple, qui prient les bras ballants, tu leur dis, mets ta main droite sur ta main gauche, comme le faisait le prophète sallam. Ils te disent, yani, est-ce que tu es venu avec une nouvelle religion? Ajib, c'est eux qui sont venus avec une nouvelle religion. Mais comme ils n'ont pas étudié l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils pensent que c'est toi qui es venu avec une nouvelle religion. Vu que nous sommes dans le mois de Ramadan, yani tu as le droit de manger jusqu'au Fajr. Hein? Et eux arrêtent bien avant cela. Et ils te disent, Anta masumt. Ils disent, toi, tu n'as pas jeûné. Toi, tu n'as pas jeûné. Pourquoi? Parce que eux, ils pensent que tu n'as pas le droit de manger jusqu'au Fajr. Tu dois arrêter un certain temps avant. Comme ils le mettent sur les calendriers. Ils mettent l'heure du Fajr et ils mettent l'imsak. Il n'y a pas deux heures. L'imsak, c'est l'heure du Fajr. Tu as le droit de manger jusqu'à l'heure du Fajr. Comme Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran, jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir. Taïb. Et les exemples sont nombreux. Taïb, les exemples sont nombreux, que ce soit dans la salat, que ce soit dans le mu'amalat, que ce soit dans les ibadat. Taïb. Donc, al-shubha, c'est quoi? Al-ihtijaj bima kana alayhi al-aba. C'est le fait d'utiliser comme preuve de véracité ce sur quoi étaient les ancêtres. Ça n'est pas une preuve. Ça n'est pas une preuve. Dans son livre Al-Masa'il al-Jahiliya, l'imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala a mis comme sixième mas'ala cela. La sixième mas'ala des gens du paganisme d'avant l'islam, c'est ça. Le fait de s'accrocher au chemin de leurs ancêtres pour réfuter le bien. Pour réfuter le bien. Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dans le sharh, nous dit « Al-ibra bimaja bir-rusul ». Ce qui compte, c'est ce avec quoi nous est venu les messagers. Pourquoi? Parce que autre que les messagers, lorsqu'ils parlent, ils peuvent avoir bon comme ils peuvent avoir faux. Ils peuvent se tromper ou avoir raison. Par contre, les prophètes, ce qu'ils disent, ça leur vient de qui? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, allamul ghuyub. Ça vient du Seigneur des mondes, celui qui a la science parfaite. Allah Azza wa Jal, la yadil. Il ne se trompe pas, subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas se tromper. Il a la science parfaite. Donc ce qui compte, c'est ce sur quoi étaient les prophètes et messagers, car ces derniers ne se trompent jamais. Wa sawabun mutlaqa. Regardez Abu Talib sur son lit de mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait à la ilaha illallah. Il y avait avec lui un groupe de personnes qui lui ont dit Atarghabu an millati Abd al-Muttalib. Est-ce que tu vas t'éloigner de la voie de Abd al-Muttalib, de tes ancêtres? Au final, qu'est-ce qu'il a dit? Ana ala millati Abd al-Muttalib. Donc la cause qui a fait qu'il est mort sur le kufr et le polythéisme, c'est le fait d'être resté sur la voie de ses ancêtres. Tu restes sur la voie de tes ancêtres s'ils étaient dans le bien, comme a dit Yusuf alayhi salam, wa tabatu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Parce que ces gens-là étaient sur at-tawhid. Ces gens-là étaient sur la ilaha illallah. Alors oui, tu restes sur la voie de tes ancêtres s'ils étaient dans le bien. Mais s'ils ne sont pas dans la vérité, tu dois délaisser la voie de tes ancêtres pour la voie des meilleures créatures d'Allah Azza wa Jalla qui sont les prophètes et les messagers. Ensuite, ils lui ont dit Fa'tina bi ayatin in kunta min as-sadiqin. D'accord, on accepte de te suivre. Au début, ils ont réfuté son message. Puis ils lui ont dit Ya Salih, idha aradta an nattabi' at-tawhid wa an nattabi'aka anta, i'tina bi ayatin wadhiha bayyina sanattabi'uk. Ils lui ont dit, si tu viens avec un signe évident, une preuve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, on acceptera de te suivre. Ils lui ont dit, pas n'importe quel signe. Naqatun ushra. Tu viens avec une chamelle qui sera arrivée au 10e mois de sa gestation. Enceinte de 10 mois, pardon. Vous avez vu le signe? Yani une aya azima jiddan qui ne laissera aucun doute sur la véracité de ta prophétie. Tu nous ramènes une chamelle avec un petit dans le ventre de 10 mois. Si tu fais ça, on croira en toi et on va délaisser l'adoration des fausses divinités. Saleh alayhi salam a prié. Salla wa da Allah. Il a prié. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder ceci. Il ne s'est pas dit, ils m'ont insulté, ils m'ont manqué de respect, alors je laisse comme ça. Non. Il voulait leur islam. Car adda'iya ila Allah azza wa jal, sa niya, son qasd, son but, c'est de guider les gens vers la ilaha illallah, de guider les gens vers Jannah, vers le paradis. Il ne se soucie pas du manque de respect qu'il reçoit. Il veut que le bien pour son peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala est ala kulli shayn qadir. Alors il leur a dit, regardez devant vous. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir une chamelle d'une grotte. Taïb. Ou bien un autre endroit, Allahu alam bih. Taharrakat sakhratun azima. Un gros rocher a bougé. Et une chamelle immense est sortie de cet endroit. Wallahu ala kulli shayn qadir. Wa yaf'alu ma yurid. Subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal nous a montré qu'il fait ce qu'il veut. Et qu'il est parfaitement capable et omnipotent. Il a fait sortir une chamelle. Une chamelle immense qui sera le signe de Saleh. De la véracité de Saleh dans sa prophétie. De la prophétie. De Saleh, na'am. Que s'est-il passé à ce moment-là? Ils ont mécru en lui. Une infime partie a dit voici le signe d'Allah. Et ils ont reconnu l'unicité d'Allah. Et ont suivi Saleh et sont rentrés dans l'islam. Et la majorité de ces gens-là ont fait quoi? Alors que ce sont eux-mêmes qui ont demandé le signe, ils ont mécru au message de Saleh. De cela, tu sais et tu as la certitude que seul est guidé celui qu'Allah a voulu pour lui le bien. Et un signe aussi évident que cela, et ensuite ils n'ont pas cru. Et cela nous rappelle l'histoire de qui? L'histoire de Quraysh, Kuffar Quraysh, lorsqu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ramène-nous un signe évident et on te suivra. Fais que la lune se fende en deux. Hein? Allah Azza wa Jal a fait se fondre la lune en deux. Au point où on a vu entre les deux parties de la lune, Jabal Hira, la montagne de Hira. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Sihr. Saharana Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, Muhammad nous a ensorcelés. Il nous a fait un sihr. En vrai, la lune, elle ne s'est pas fendue. Mais Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ensorcelés. Yani ajib. Ils demandent un signe, lorsqu'Allah leur donne ce signe, ils démentent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela a été cité dans Qtarabat al-sa'a wa anshaqqa al-qamar. Ensuite, Saleh alayhi sallam a dit à son peuple, comme cela a été cité dans le Coran, Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Un signe évident vous est venu de la part de votre Seigneur. Hadhi naqatullah. Voici la chamelle d'Allah. Ce que vous avez demandé comme signe est devant vous. Voici la chamelle d'Allah. Naqatullah idafatush takrim wa tashrif. Lakum ayatan fadharuha ta'kul. Laissez-la manger. Fi ardillah wa la tamassuha bisu. Et ne la touchez pas par un quelconque mal. Faya'khudhakum azabun alim. Sinon vous allez être châtié par un châtiment douloureux. C'est dans surat al-A'raf. Dans surat al-Shu'ara. Qala hadhi naqatun laha shirbun wa lakum shirbun yawmin ma'alum. Voici la chamelle. Elle pourra boire un jour et vous pourrez boire un autre jour. Donc Allah Azza wa Jalla a envoyé cette chamelle. Allahu alam min ayn ja'at. Et cette chamelle devait boire un jour. Et eux devaient boire le jour suivant. Et le troisième jour, la chamelle allait boire. Et eux devaient boire le quatrième jour, et ainsi de suite. Mais durant les jours où la chamelle allait boire de l'eau, eux allaient boire des mamelles de la chamelle. C'était une chamelle tellement immense qu'elle avait assez de lait pour abreuver tout le peuple de Saleh. Yani, c'est ni'ma min Allah Azza wa Jal cette chamelle. En contrepartie, eux devaient juste la laisser tranquille. Comme a dit Cheikh Abdel Razak Al-Abbad, l'année dernière, ou il y a deux ans, pendant Ramadan, il faisait un cours sur les histoires des prophètes. Et il a dit, la chose la plus étonnante dans leur épreuve, c'est que c'est une chose très simple. Il y a une chamelle, laissez-la boire et ne lui faites pas de mal. Voici les preuves. Et en plus, c'est une chamelle qui vient avec beaucoup de baraka et de khayr. Vous allez pouvoir boire, vous allez pouvoir avoir votre subsistance, mais ne la touchez pas avec un mal. Ne la touchez pas avec un mal. Mais le cœur du kafir, il est tellement rempli par les ténèbres et le mal et l'envie de faire le mal qu'ils n'ont pas patienté. Ils n'ont pas accepté ni patienté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, on sort un peu du sujet, c'est un rapport avec cela. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyama aura al-hawd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyama aura son bassin. Et certains savants voient, par rapport à un hadith où il y a une divergence sur l'authenticité, que li kulli nabiyyin hawd. Il y a un hadith qui dit que chaque prophète aura un bassin. D'accord ? Il y a un hadith qui dit, sauf Salih, pourquoi ? Parce que lui, il a eu la chamelle. Et la chamelle avait tellement de lait qu'on ne donnera pas un bassin à Salih, mais ce sera sa chamelle. Hein? Mais ce hadith-là est da'if jiddan. Comme a dit l'imam Ibn Jawzi, rahimahullahu ta'ala. Que pensez-vous du peuple de Salih? Est-ce qu'il s'est contenté de faire ce que Salih leur avait dit? Laissez-la boire un jour et vous boirez l'eau. Et le temps que vous ne boirez pas de l'eau, ben, vous pourrez boire maza, du lait de la chamelle. Ils n'ont pas voulu cela. Fa'aqaru naqa. Ils ont immolé la chamelle. Ils l'ont tuée. Ils ont tué la chamelle. Wa'atou an amri rabbi. Et ont dépassé les limites que leur avait fixé leur Seigneur. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala cité cette histoire-là, et dans l'Israiliyat, on tire comment cela, yani on prend comment cela s'est déroulé. Et comme on avait cité la règle concernant l'Israiliyat, Mada, ce qui a été cité ne contredisant pas notre voie dans le Coran ou la Sunna, Mada, ou n'ayant pas été cité, il n'y a pas de mal à le raconter. Donc il y a une femme qui s'appelle, qui répond au nom de Saduq binti bintu Muhayya. Naam. Wa kanat jamilatan jidda. Dans le peuple de Salih, il y avait une femme qui se nomme Saduq. Et c'était une femme qui avait la plus grande beauté dans son peuple. Et son mari s'est converti à l'islam et a suivi Salih. Alors il l'a divorcée parce qu'elle est restée sur le kufr. Elle n'a pas voulu suivre Salih. Hein? Et vous savez que la femme belle peut s'étonner de sa beauté et se gonfler d'orgueil. Elle n'accepte pas d'être abaissée dans sa beauté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir son cousin. Et lui a dit, pour se venger, je m'offre à toi. Et ma dot sera que tu assassines la chamelle de Salih. Hein? Je m'offre à toi. Et le mahr, la dot, sera que tu assassines la chamelle de Salih. Et si tu fais cela, je serai tienne. Donc, cet homme s'est exécuté. Il se nomme Masra'a ibn Muharrij. En plus de cela, Ja'at Ajouz, il y a une vieille dame qui est venue. Elle avait quatre filles. Elle a dit, cette femme se nomme Umm Uthman. Elle avait quatre filles. فقالت لرجل اسمه قدار ابن سالف. Cette femme âgée est partie trouver un homme qui se nomme قدار ابن سالف. فقالت له, et elle lui a dit, si tu vas et tu tues la chamelle de Salih, tu pourras choisir une de mes quatre filles en mariage. Tu pourras te marier avec une des quatre filles. كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن إن كيدكن عظيم. يعني لي كومون دير سون فرونسي الكيد نعم لي روز دي فام سونت ايمونس اي كيس كون ا دي كونسيرنون لي روز دو شيطان ضعيفه صح مي بورتون دي فام اون ا دي عظيمه او عظيم دونك دو فام ont été la cause de ce qui va suivre. Premièrement, Sadouk, elle s'est fait talak par son zaouj. Hein? Elle est partie trouver son cousin et lui a dit, si tu tues la chamelle de Saleh, cela sera ma dot et tu pourras m'épouser. Et Umm Uthman, cette vieille kafira, elle est partie voir Mada Qaddar et lui a dit, si tu tues la chamelle de Saleh, tu pourras choisir une de mes quatre filles en mariage. Donc certains ont dit que c'est Qaddar qui a tué, d'autres ont dit le premier, d'autres ont dit les deux. Mais avant d'assassiner la chamelle, c'est pas une petite chose. Hein? C'est la chamelle d'un prophète. C'est une chose, c'est un grand crime. Alors ils ont fait comme ont l'habitude de faire les koufars. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ils ont voulu avoir l'agrément de la masse. Et ont fait une étude de marché. D'accord? Ils ont voulu avoir l'opinion publique. C'est ça le mot que je cherche. Ils ont voulu avoir l'opinion publique. Lorsque les koufars, par exemple, ont attaqué l'Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis en Irak, ils ont tué des femmes, des enfants comme ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Les gens vont dire, vous êtes des criminels. Ils ont dit quoi? Il y a des armes de destruction massive. Il faut trouver quelque chose. Alors qu'eux-mêmes, au final, ont dit on n'a rien trouvé, mais ce n'est pas grave, c'est fait maintenant. D'accord? On va ramener maintenant la démocratie. Taïeb. Et c'est ainsi qu'agit les peuples qui ont de la puissance. Ils ne veulent pas faire le mal qui est trop évident. Ils trouvent des choses pour avoir l'opinion publique. Ben, ces deux hommes-là ont fait la même chose. Ils ont tourné dans le peuple de Saleh et ont dit on veut faire ça, on veut faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Saleh a fait ça, Saleh a fait ça, Saleh a fait ceci, a fait cela. Il nous interdit d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres, et ainsi de suite. Ils ont consulté tout le monde et ils se sont mis d'accord. D'accord? Ils se sont mis d'accord. Et on reconnaît ainsi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma taraktu fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Je n'ai pas laissé un trouble et une tentation plus grande pour les hommes. Après moi, que quoi? Que les femmes. Et c'est la fitna qui a égaré Banu Israël. Alors ces deux hommes sont partis et ont embelli à leur peuple le fait d'assassiner la chamelle de Saleh. Lorsqu'ils ont trouvé un appui dans leur peuple, et particulièrement cette personne. Cette personne. Taïb. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ont été au nombre de 9. Tis'atu rahat. Hein? Un groupe de 9. Wa kana fil madinati tis'atu rahat yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Lorsqu'Allah Azza wa Jal en sourate An-Naml nous parle de ce groupe-là de 9 personnes, il s'agit de cette histoire de la chamelle de Saleh, l'assassinat de la chamelle de Saleh. Fantalaqu ila an-naqa. Donc ils sont partis et ont pris la chamelle. Le premier l'a visé avec une flèche. Et le deuxième avec son épée. Et ils ont donc assassiné la chamelle. C'est pour ça qu'Allah a cité au pluriel. Fa'aqaruha. Ils l'ont tué. Pourtant, ce n'est pas tout le peuple qui l'a tué. Mais ils se sont consultés et sont tombés d'accord. Et de cela, on tire une grande faïda. C'est quoi? C'est lorsqu'il y a une personne qui fait le mal. Mais que les gens sont satisfaits, ils ont tous le même péché. Ils ont tous le même péché. Et lorsqu'Allah fait descendre son châtiment, il le fait descendre sur tout le monde. Il le fait descendre sur tout le monde. Et je vous ai dit que cette chamelle, lorsqu'elle a été envoyée, elle avait un enfant de 10 mois dans le ventre. Un petit de 10 mois plutôt dans le ventre. Entre-temps, elle a mis bas. Donc certains ont dit qu'ils ont tué également son petit. D'autres ont dit, son petit a pu se sauver, dont on dit, le petit est revenu dans la grotte. Wallahu a'lam. Que s'est-il passé? Comme pour le peuple de Hud. Allah Azza wa Jal a retenu la pluie. Allah Azza wa Jal a retenu la pluie. Alors à ce moment-là, le peuple de Saleh a dit, tu nous as ramené le malheur. Ils ont fait ce qu'on appelle At-Tiyara, la mauvaise augure. Qalu tayyarna bika wa bimam ma'ak. Ta venue et celle des croyants, de ceux qui t'ont suivi, laisse présager de mauvaises choses. Depuis que tu es venu avec ton signe, depuis que les gens t'ont suivi, nous n'avons plus de pluie. At-Tiyara, c'est comment est-ce qu'ils disent en français ? L'augure, na'am. Comme par exemple, lorsqu'on voit un chat noir, ça va amener un malheur. Celui qui se lève du pied gauche, celui qui a marché dans une impureté, celui qui est passé sous une échelle. Comment est-ce qu'on appelle ça en arabe ? At-tiyara. D'accord ? Les Arabes avaient cette chose-là. Lorsqu'ils voyaient les oiseaux voler d'une certaine manière, ou lorsqu'ils se retrouvaient dans le mois de Safar, ou bien lorsqu'ils voyaient une couleur, ou lorsqu'ils voyaient telle chose, ben ils disaient, il va nous arriver un malheur. Et cela, c'est du shirk. Ça, c'est du shirk. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui décide du bien ou du mal qui va te toucher. Et le shirk, dans cela, se divise en deux. Ça peut être du polythéisme akbar, ashirkul akbar, ou bien ashirkul asra. C'est du shirk akbar dans quel cas ? C'est du shirk akbar dans le cas où la personne voit une chose et dit, à cause de ça, il va nous arriver ça. C'est cette chose qui va nous faire ça. Ça, c'est du shirk akbar, la personne sort de l'islam. Mais si la personne dit, c'est une cause pour qu'Allah fasse cela, c'est du shirk asra. C'est du petit polythéisme. Par exemple, celui qui voit un chat noir et dit, par la cause de ce chat noir, Allah va nous donner un malheur. Il ne sort pas de l'islam, mais il a fait du polythéisme. Pourquoi il a fait du polythéisme ? Parce qu'il a fait du chat noir une cause de malheur, alors qu'il n'en est rien. Allah ne nous a pas informé que le chat noir nous ramène le malheur. Tayyib. At-tiyaratu shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit cela de manière explicite dans un hadith. Tayyib. At-tiyaratu shirk. Le croyant n'est pas faible. Tayyib. Combien de fois on entend les gens dire, ah, il y a un chat noir, il va nous arriver un malheur. Il ne faut pas passer sous une échelle. Et ce genre de aqaïd shirkiya. Hein? Le musulman doit enseigner à ses enfants, depuis leur plus jeune âge, que cela ne veut rien dire et ne repose sur rien. C'est pour ça que tu vois que les koufars, c'est des peureux. Ils voient un corbeau, il va arriver un malheur. Ils voient un chat noir, ils changent de projet. Ils ne passent pas sous une échelle. Wallah, tu marches avec eux. Hein? Wallah, en direct, tu marches avec eux. Il y a une échelle, il dit non, on ne passe pas sous ça. Tu dis pourquoi ? Il dit sinon, il va t'arriver un malheur. Hada dha'fun ajib. Ça, c'est une faiblesse. Hein? C'est une faiblesse étonnante. Wallah, et nos enfants de 3 ans passent sous une échelle en rigolant. Le sourire relève, adi yal'ab. Ou al kafir, qui a des enfants lui-même, hein, et a atteint un âge avancé, il a peur de passer sous une échelle, un bout de bois. Regarde le shirk, ce que ça fait des hommes. Hein? Regarde le shirk, ce que ça fait des hommes. Il ne passe pas sous une échelle, il change ses projets parce qu'il a vu soit un hibou ou bien un corbeau. Il change carrément ses projets. Kuffar Quraysh, lorsqu'il voulait voyager, il regardait les harakat al-tuyo, les battements d'ailes des oiseaux ou bien la direction prise par l'oiseau et toutes ses fausses croyances. Dans l'islam, on n'a pas ça. Dans l'islam, tu veux voyager, tu veux te marier, tu veux faire un commerce, tu pries 2 rak'ah, autre qu'une prière obligatoire, et tu fais salat al-istikhara. Hein? Tu fais salat al-istikhara. Thumma taqdum ala sha'nik. Si ça se réalise, ce sera pour toi un bien. Et si Allah Azza wa Jalla a vu un mal dans cela, il l'éloigne de toi. Il l'éloigne de toi et te décrète le bien où qu'il soit. Donc il faut faire attention à cela. At-tiyara. Le peuple de Saleh, on dit, on utilisait Saleh et les croyants comme mauvaise augure. On dit, c'est de ta faute s'il n'y a pas la pluie. Après avoir tué la chamelle, Saleh leur a annoncé le châtiment. فقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. Il les a menacés et leur a annoncé le châtiment. Ils ont donc tué la chamelle. Il leur a dit immédiatement après, je vous laisse 3 jours. Faites-vous plaisir durant ces 3 jours. Ensuite, vous allez voir. Ensuite, vous allez voir. Ce jour-là, c'était un dimanche. Ce jour-là, c'était un dimanche. Donc, il y a eu le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi. Arrivé au jeudi, que s'est-il passé? فَأَصْبَحُوا فَإِذَا وُجُوهُمْ مُسْفَرَّةٌ. Lorsqu'ils se sont réveillés le jeudi, ils avaient tous le visage jaune. Le lendemain, vendredi, ils ont tous eu le visage rouge. مُحْمَرَّةٌ. وَيَوْمَ السَّبْتِ مُسْوَدَّةٌ. Ils ont tous eu le visage noir. Le châtiment a commencé ainsi. Trois jours après, ils ont eu le visage jaune. Le lendemain, le visage rouge. Le surlendemain, le visage noir. ثُمَّ أَشْرَقَتِ الشَّمْسِ. Ensuite, le dimanche, donc une semaine pile après la menace de Salih, le soleil est venu. وَعَمَّهُمْ بِالْعَذَابِ. Et le châtiment s'est présenté à eux. Ils ont eu trois châtiments en même temps. Le premier châtiment, جَاءَ مِنَ السَّمَاءِ وَالثَّانِي مِنَ السَّمَاءِ وَالثَّالِثِ مِنَ الْأَرْضِ. Les deux premiers châtiments sont venus d'en haut. Et le dernier est venu du sol. Et tout cela en même temps. Tout cela en même temps. Et l'histoire se répète. Comme cela a été le cas pour Nuh, le cas pour Hud, Allah Azza wa Jalla leur a laissé un répit. Ils n'ont pas cru en Allah, ne l'ont pas unifié d'un culte sincère, ont démenti leur prophète, se sont moqués de lui, ben le châtiment est venu. Voilà, tahsaban Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Que s'est-il passé? Le premier châtiment, as-sayha, un cri venant du ciel. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ. Donc, le cri les a saisis. Il y a eu un grand cri, accompagné de la descente des anges qui est venu arracher leurs âmes. Avec ce cri-là, la terre s'est mise à trembler. Et il y a eu Mada, des éclairs. Donc il y a eu un cri et des éclairs qui est tombé du ciel. La terre s'est mise à trembler. Il y a eu un tremblement de terre. Et les anges sont venus pour leur arracher leurs âmes. Kullu hadha fi nafsi al-waqt. Fa akhadhatuhum ar-rajfa. Dans sourate al-A'raf. À la fin de tout cela, Allah Azza wa Jalla. Donc, il y a eu quoi? Un cri du ciel. Avec cela, des éclairs. Et avec cela, la trempe s'est mise à. La terre s'est mise à trembler. Fa akhadhatuhum sa'iqatul 'adhab al-hun. Allah Azza wa Jalla nous dit également que l'éclair, les a châtiés et les a humiliés. Naam. Au même moment, comme ça a été cité dans Sourate Al-A'raf, fa akhadhatuhum ar-rajfah. La terre s'est mise à trembler. À la fin de tout cela, Allah Azza wa Jalla nous dit: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. Pourquoi cela? Ils ont essayé, j'ai oublié ce passage, عذروني, ils ont essayé d'assassiner Salih. Après avoir assassiné la chamelle, lorsque la pluie a cessé de tomber sur eux, ils ont dit: c'est à cause de toi, Salih, et de tes suiveurs. C'est à cause de toi qu'on nous n'avons plus la pluie. Donc, فَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. Comme Allah nous dit dans Sourate An-Naml, ils ont essayé de ruser et de faire un plan, un stratagème contre Salih. Mais Salih avait sa tribu avec lui et des gens qui l'ont suivi. Donc ils ne pouvaient pas venir le tuer ainsi. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ. Ils se sont réunis et ont juré entre eux pour être sûr que personne ne fasse marche arrière. Ils ont juré entre eux de assassiner Salih dans la nuit, lui et ses suiveurs. Et Allah Azza wa Jalla nous dit qu'ils ont essayé de ruser, de faire de ce stratagème, mais Allah Azza wa Jalla en fit de même. Au final, c'est Allah Azza wa Jalla qui les a châtiés. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. Ici, j'ai une question. Al-Makr, est-ce qu'on affirme comme sifat pour Allah Azza wa Jal Al-Makr ou pas? Hein? Est-ce qu'on dit qu'Allah yamkur ou pas? العقيدة أهل السنة إثبات ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه ونفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه وكذا ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ونفى. Donc, est-ce qu'on dit qu'Allah yamkur ou pas? نعم. Pourquoi? Parce qu'Allah l'a dit. طيب. Ou est-ce qu'on dit qu'Allah ما يمكر? Quelle est une réponse? Ça, ça s'est étudié dans le livre de Aqidah en Asma Sifat. On dit ni l'un ni l'autre mutlakan. On dit fi tafsil. El makr sifatun lillah sifatun muqabala. Comme a dit Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Idhan, on affirme sifatul makr pour Allah quand c'est le kamal. Quand est-ce que c'est le kamal? Quand les gens yamkuroun. Hein? Taïd, on ne va pas développer cette mas'ala qui s'étudie dans les livres de Aqidah, par exemple dans le Qaid al-Muthla, wa ni'ma al-kitab, l'Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Fanzur kayfa kana 'aqibatu makrihim anna damarnahum wa qawmahum ajma'in. Au final, après tout ça, quelle fut la finalité? Allah Azza wa Jalla les a tous exterminés, sauf Salih alayhi salam et ceux qui ont suivi Salih, les croyants. Après tout cela, savez-vous ce qu'a fait Salih? Salih s'est tenu devant eux alors qu'ils étaient tous morts. Et leur a dit alors maintenant, qu'est-ce qui avait raison? Est-ce que vous avez trouvé véridique ce dont je vous avais menacé? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la même chose quel jour? Hein? À la bataille de Badr. À la bataille de Badr, lorsque fut tué Umayya et Sanadid Quraysh, Ibn Khalaf et d'autres. Il leur a dit, « Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa ?» Est-ce que vous avez trouvé ce dont vous avez menacé votre Seigneur comme étant vrai ou pas? Parce que nous, on a trouvé la promesse de notre Seigneur comme étant vrai. Alors les compagnons disent, « Ya Rasulallah, est-ce que tu parles à des morts ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, « Ces gens-là, hein, vous n'entendez pas mieux qu'eux au moment où je leur parle. Si ce n'est qu'ils ne peuvent pas répondre. » Dans ce moment-là précisément, Allah Azza wa Jalla a permis aux morts d'entendre, mais ils ne pouvaient pas répondre, parce qu'à la base, les morts ne peuvent pas entendre. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et c'est ainsi que se finit la belle histoire de Salih, même si elle n'a pas été racontée de la plus belle manière de ma part, par faiblesse et d'autres imperfections. Wallahu musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ونسأله تبارك وتعالى وهو الجواب السميع البصير أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وصدقاتكم والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بيتتم الصالحات. La semaine prochaine, nous allons entrer dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc je ne pense pas que je pourrai assurer le cours, du moins pas l'histoire des prophètes, car cela me fatigue beaucoup, malgré le plaisir que je prends à préparer le cours et à l'enseigner. Si ce n'est que de par cette grande faiblesse que je ressens, le mieux inshallah pour nous tous est de se concentrer sur la lecture du Coran et l'ijtihad de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, l'imam Zuhri et d'autres délaissaient le tahdith taillé pour Ramadan ou les derniers jours de Ramadan. Donc Allahu alam s'il y aura encore cours la semaine prochaine, peut-être un rappel de 20 minutes طيب, inshallah ta'ala. Donc, celui qui n'habite pas loin, qu'il assiste, qu'il essaye d'assister à la mada au cours. Et peut-être, comme je vous ai dit, qu'il n'y aura pas cours. Allahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.